Je cimente mes écrits car je parle du béton, de mes potes béton, plutôt pyromane que piépon. La rage plutôt que le coup de peupon, le lyrical bastard résonne quand le fusil à pompe. Rewind au débit, flow, écriture pomponnée, héros, bouge ta gueule ou défile-toi. J'ai le haut débit sonore, sa mère, hardcore, expérience, on est d'accord, tu connais. Ah ben lève ta main, allez lève ta main, ou prends la mienne. Pour la mif ou pour un bif ou deux, tu vois la couleur, quel est le prix pour la douleur? Ben chez Hap, une voix, un joli minois, Vlad Sésame. Ça se fait tes sauts à droite à gauche, combien t'as vendu ton âme? Au débit, tu me débines jamais devant l'instru. J'suis ouf quand son fait bouger, l'esprit s'éclaire et j'écris habilement. J'manie le mic, et le dernier qui a voulu cacher le baron est venu avec sa daronne, et une permission signée, datée, pour être réanimé. J'ai réalisé que l'envie vient en rappant. Vécu rappeux, indispensable comme le fromage râpé, Biwal anti-rupin, au débit j'en place une pour mon rep. Pas d'erreur, dans mes vrais intimes, y'a eu caille de dé, mais bon, les faux truands jouent les brutes et font les putes. Oh le baron démoniaque, comme à ses débuts, ouvre la porte, on sent l'oreille, mon son déboule. J'lâche plus rien, c'est décidé, j'aurais déjà dû le faire quand le KAD s'est décimé. J'ai résilié le bail de la galère, en tout genre, peu importe, dans n'importe quelle étagère. Y'a que du rap dans toutes mes étagères, j'exagère toujours un peu. Mais bon, j'suis pas loin de la vérité, voracité de mes propos à l'encontre des imposteurs. Et crois-moi, y'en a beaucoup sur les posters. Fidèle à mon discours depuis le début. Au débit, y'a les bons et y'a les beat and deck. J'ai dégainé, rengainé, dégainé. Autant que tu dis s'il fallait ou non tirer. Même avec deux doigts cassés, l'esprit dans les bonnes cases. Et j'arrache le mic comme des liasses pendant un bon braco. Qui est devenu ce machin qui faisait le macro, merde marié, votant Sarko, t'y crois? Les temps changent, mais pas les escrocs. Le baron, no, au débit, ouais mon gros. Au débit.